Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc dans le Metal Express. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Il y a les applications, mais tout ça, vous connaissez, pour télécharger sur votre smartphone ou bien tablette tactile sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que nous avons également les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci également à nos partenariats radio qui diffusent le Metal Express. Il y a Unle Spirits, Canal Fuzz Radio, Radio Lonely Rock et puis Radio WHM 52. Un grand merci également à nos partenariats musique. Il y a Inders Records, Duet Agency, Kebras Records et les promotions Kebar Promotion et Inferno Records. Voilà, je vous rappelle également que Radio Heavy Metal a son site officiel, donc vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez envie d'écrire quelque chose. Vous cliquez donc sur le livre d'or. On va commencer cette émission du Metal Express donc avec Tribuzzi. Ce morceau s'intitule Beast in the Light, avec entre autres monsieur Bruce Dickinson. Juste derrière, il y aura Soulfly avec le morceau Gladiator, et puis derrière encore, il y a Escape avec le morceau Marianne. Allez, bonne écoute, on est ensemble jusqu'à 21h. Bonne écoute. Beast! Beast in the Light! Oh yeah! Come, Paula! Hey! wine and cheap perfume is messing with my head. So late in the afternoon, just crawling from my bed. All the way from New York City across the Western Plain, where you left me hanging, baby, I will never be the same. Downtown Paris in the spring. Say the Riviera, baby, but it doesn't mean a thing. I climb the highest mountain to be right by your side. Crying in the darkness, be my lover, be my guide. Dans l'ordre, il y a eu Tribuzzi, extrait de l'album Execution Live Reunion, sorti en 2007. Il y a eu après Soufly avec Gladiator et à l'instant Escape avec le morceau Marianne. Voici maintenant Children of Bonhomme, c'est extrait du nouvel album, il s'appelle ce morceau This Road. Bonne écoute dans le Metal Express. Your life. L'album s'appelle Exiled, c'est le 10e album studio du groupe finlandais de death metal mélodique Children of Bonhomme, qui est sorti le 8 mars 2019 sous le label Nuclear Blast. Voici maintenant Falling, et c'est ce morceau qu'on va écouter, s'appelle Ghost in the Flesh, suivi de Iron Fire avec Beyond the Void. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà, donc c'était Iron Fire, donc ce sont les Finlandais, c'était extrait donc de leur 9e opus. Les Danois donc avec ce fameux Beyond the Void, extrait donc de ce nom de l'album également. Voici un autre groupe, c'est un groupe finlandais, pardon, il s'appelle Le Chevalier. C'est extrait donc de leur nouvel album qui est sorti le 26 avril. Et cet album s'intitule Destiny Calls. Et ce morceau qu'on va écouter s'appelle Road of Light. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous, donc jusqu'à 21h, vous êtes dans le Metal Express. On trouve long forgotten. Empires built and torn down to ruin. We've traveled past the fading glory. And futile monuments of man. And we have seen the turning circle. All the forests and the trees. We gazed into the deepest day. Journey through its endless world. On this road we stay. Voilà, donc le groupe s'appelle Chevalier, ils sont finlandais, ce morceau qu'on a écouté à l'instant s'appelle le Road of Light. Voici maintenant un groupe français, il s'appelle Ineptie, le morceau qu'on va écouter s'appelle Road à la nuit. Le groupe Ineptie sera très bientôt en concert, c'est-à-dire le samedi 25 mai à 20h donc au Pic Bear Fest, première édition, à la Minute Blonde à Fontenay-le-Comte. Donc ça, j'en reparlerai encore tout à l'heure. On va s'écouter donc le groupe Ineptie. Ça s'appelle Aude à la nuit. Voilà, donc à l'instant, c'était le groupe français Ineptie avec Aude à la nuit. Donc le groupe Ineptie sera en concert le samedi 25 mai, donc au Pic Beer Fest, première édition. La Minute Blonde Fontenay, le compte, c'est dans le 85, donc. Et Ineptie, vous pouvez donc les retrouver sur leur page Facebook. Vous pouvez également retrouver Cathy, qui est la chanteuse du groupe Ineptie. Elle a une page Facebook, donc vous pouvez la contacter. Et puis vous pouvez également écouter Ineptie sur iTunes, Bandcamp, Amazon, Spotify, Deezer. Je vous rappelle donc, ils seront en concert le samedi 25 mai. Donc au Pic Beer Fest, première édition, c'est-à-dire à la Minute Blonde Fontenay-le-Comte, c'est dans le 85, voilà. On va attaquer maintenant avec un groupe qui s'appelle Beast in the Black. Le morceau qu'on va écouter s'appelle From Hell Witch Love. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Here I am, where all this began on L'album porte le nom de ce titre, From Hell Which Love, le groupe Beast in Black. Ils sont actuellement en tournée donc pour la promo de leur album. Ils sont venus donc en France au mois de mars. Et puis actuellement, ils sont, si je ne me trompe pas, ils sont en Suède. Voici maintenant Existence. Ce morceau s'intitule Flesh. Allez, bonne écoute. On est ensemble jusqu'à 21h. C'est Eric avec vous. Voilà, donc ça s'appelle Existence et ce morceau qu'on a écouté s'appelle Flesh. Voici maintenant deux grosses pointures et c'est de la nouveauté, ça s'appelle Overkill avec un morceau Believe in the Fight et suivi de Rotten Christ avec The New Messiah. Bonne écoute. Yeah. Annihilation. Let's bring annihilation into one today, right? Everybody be to a different drum. Everybody wanna be number one. Everybody walk before they run. Everybody like to live and get it for today, right? Born to die, born into the fight. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. We'll be right back. donc, dans l'ordre, on a eu Overkill avec Be Live in the Fight, extrait de leur dernier album intitulé The Winds of War, distribué chez Nuclear Blast, sorti le 22 février. Et puis, à l'instant, Rotting Christ avec The New Messiah, extrait de l'album The Heretics, sorti le 15 février. Voici maintenant Deathfucker, et donc cet extrait de leur EP qui ont sorti le 8 mars d'ailleurs. C'est du death thrash metal et cet album s'intitule The Devil's Fist. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. On va s'écouter donc ce morceau Devil's Fist. Bonne écoute dans le Metal Express. On est ensemble jusqu'à 21h donc. We'll be right back. s'appelle Deathfucker, extrait donc de ce morceau Devil's Fist. On va retrouver maintenant Queen Strike avec le morceau Blood of the Levant et suivi de In Hell avec Blasphemant. Bonne écoute dans le Metal Express. Yeah. Voilà, donc le groupe français In Hell, avec le morceau Blasphemance. C'est du très gros son, donc je vous recommande. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas donc à aller jeter un petit œil. Voici maintenant un autre groupe qui s'appelle Terrific Verdict, et ce morceau qu'on va écouter s'appelle Sleep Paralysis. Excellent groupe de thrash metal, le groupe s'appelle Terrific Verdict, avec le morceau Sleep Paralysis, je vais y arriver. Voici maintenant In Flames, cet extrait de leur nouvel album, et le morceau qu'on va écouter s'appelle I'm the Mask. From I'm Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici dans le Metal Express Dead Girls Corp. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Dead Girl. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Voilà, le groupe est américain, il s'appelle Dead Girls Corp et le morceau qu'on a écouté s'appelle Dead Girl. Voici un autre groupe américain, il s'appelle Manowar et ce morceau s'intitule Metal Days. Bonne écoute! Free. Heavy metal, loud as a peut dire que vous êtes gâté le groupe Manowar avec Metal Days. Voici maintenant Stratovarius, ça s'appelle Black Diamond, extrait de l'album Visions. À l'instant, donc, dans le Metal Express, le groupe Stratovarius avec Black Diamond. Un excellent morceau. Après Stratovarius, voici Widowmaker. Ça s'appelle Blood and Bullets. Bonne écoute. Avec le morceau Blood and Bullets. Voici maintenant Metal Church et le morceau qu'on va écouter s'appelle Scream. Gun. Le groupe Metal Church, donc un instant dans le Metal Express avec le morceau Scream, un excellent morceau. Voici maintenant Motorhead, ça s'appelle Heartbreaker. C'est extrait donc de l'album, si je me souviens bien, Aftershock, qui était sorti, je crois, en 2013. Donc, si vous avez vraiment la bonne réponse, eh ben, envoyez-moi un petit message sur la page Facebook, comme quoi je ne me suis pas trompé. Allez, voici Motorhead, et ça s'appelle donc Heartbreaker. Bonne écoute! Voilà donc le groupe, enfin le morceau, pardon, le morceau qu'on vient d'écouter, Heartbreaker, était bien de l'album Aftershock sorti en 2013. Voici maintenant une autre grosse pointure, c'est Saxon avec le morceau Sacrifice. We'll be right back. Sacrifice, Saxon. Allez, il nous reste à peine 5 petites minutes. Voici Pestilence et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Transition. Bonne écoute. Voilà, donc le Metal Express, c'est terminé pour ce soir. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, le 6 mai. Et donc, le 6 mai, ce sera donc le spécial Metal 80. Je vous rappelle donc que vous pouvez réécouter ces émissions sur les radios qui diffusent le Metal Express. Donc, vous pouvez écouter l'émission sur Canal Fuzz Radio, c'est-à-dire demain de 20h à 22h. Également sur Indie Spirits, mercredi de 18h à 20h. Et vous pouvez également écouter l'émission vendredi de 20h à 22h sur Radio WHM52. Et sur Radio Lombre Rock, ça c'est dimanche de 23h à 1h du matin. Voilà. Je mettrai l'émission également en podcast sur archive.org et je la mettrai également sur la page Facebook, comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter. Eh bien, ils pourront l'écouter comme ça. Bon, voilà, eh bien, écoutez, moi j'ai passé une très bonne soirée, j'espère que vous aussi. N'oubliez pas, il y a nos réseaux sociaux pour, si vous avez envie de nous écrire, il y a la page Facebook. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter et Instagram. N'oubliez pas qu'il y a les applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile, Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. Voilà, n'oubliez pas que sur le site officiel de Radio Heavy Metal que je vous donne, c'est le https://radioheavymetal.site. Vous pouvez laisser un petit commentaire en cliquant sur le livre d'or. Voilà, bah écoutez, moi j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le spécial Metal 80. Allez, ciao!